sortie de la cage aux fauves. Mes amis et moi, on a plein d'idées. Un gaz pour asphyxier les pauvres, un tas de sanguin pour les immigrés. Wow! Si tu es pauvre, tu es foutu. Tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Tu es chômeur, tu es foutu. Si tu es pauvre, tu es foutu. Si tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Si tu es chômeur, tu es foutu. Sur ton petit écran, égal à toi si t'es pas blanc. A Joseph Clay et George Orwell ne m'avaient pas imaginé. La liberté va se faire à la belle avant qu'on puisse m'arrêter. Wow! Si tu es pauvre, tu es foutu. Si tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Si tu es chômeur, tu es foutu. Si tu es pauvre, tu es foutu. Si tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Si tu es chômeur, tu es foutu. Crache ton fric pour l'université, crache ton fric pour exister, crache ton fric pour la santé, crache ton fric pour l'électricité, crache ton fric pour l'université, crache ton fric et même si t'en vas pas, crache ton fric. Si tu es pauvre, tu es foutu. Si tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Si tu es chômeur, tu es foutu. Si tu es pauvre, tu es foutu. Si tu viens d'ailleurs, tu es foutu. Si tu es malade, tu es foutu. Si tu es chômeur, tu es foutu. Si tu es pauvre, crache ton fric.